Elle sort de son lit pour voir si le monde a changé. Elle ne se rappelle plus très bien ce qui parfois la retient. Dans les bras, les sniffeurs, les terres, atmosphère délétère. Laissez glisser la nuit, laissez venir l'oubli. Laissez glisser la nuit, laissez venir l'ennui. Retrouver son matador adoré, un macho efféminé, un dealer désespéré. Les symboles ont la parole pour essayer de raconter l'histoire de cette fille un peu folle, un arc-en-ciel avorté. Laissez glisser la nuit, laissez venir l'oubli. Laissez glisser la nuit, laissez venir l'ennui. Laissez venir l'ennui.